Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Valentine et par Louane, qui sont deux enfants qui sont heureux de vous lire un très joli conte de Noël qui s'appelle Mishka. C'est écrit par Marie Colmont. C'est une auteure française d'œuvres pour la jeunesse. Elle est née en 1895 et elle est décédée en 1938 de la tuberculose. Mishka est paru aux éditions du Père Castor. L'auteur Marie Colmont participe également au mouvement de rénovation des auberges de jeunesse. Et on trouve aussi son nom dans 30 et une année de lecture au cours élémentaire. Donc c'est Mishka et c'est donc Valentine qui va commencer. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth. Sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche avec le dessus des pattes en velours rose, deux boutons de bottine à la place des yeux, trois points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser. Et quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouait et vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. « J'en ai assez d'être un jouet ici, » grogna Mishka en se frottant les yeux de ses poings. « Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. » Et bien que la chambre fût tiède et tant qu'Élisabeth dormait plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il leva haut les pattes l'une après l'autre et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Ce roitelet, ses farceurs, ça a la queue retroussée et ça sautit par ici, par là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait piou piou piou dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Disait Mishka, j'avais bien cru pourtant entendre. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Mais de même, à la fin du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Brrr, lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet! Il eut si peur qu'en volant, il s'emmêlait ses ailes et ce fut miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Ta, tra, déri, déra, tra, la, la. Chantait Mishka en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute en retour du marché. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grande bête de peau !» dit-il en lui lançant un coup de pied. « Va-t'en, où il te plaît !» Et le pot se mit à rouler et en roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. « Voilà le miel !» faisait Mishka en se régalant que la vie est belle dans les bois. « Jamais je ne serai un jouet. Ça non !» Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les jambes. Les pattes et on les entendait causer. Cancan, c'est le soir de Noël, disant l'une. Cancan, disait l'autre, c'est ce soir où chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir le malheureux, réparer les injustices. Tiens, tiens, se disait Mishka. « Je ne savais pas ça !» Et puis, elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte, pas une maison, pas un animal, rien que de la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit les grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli et aussi dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. Sur le traîneau, il avait un grand sac tout gonflé, tout bossu. Et c'était le renne de Noël qui faisait sa distribution comme c'est l'usage dans le pays du Nord où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. Grimpe vite, dit le renne à Mishka, tu m'aideras. Oh, ça, c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on n'y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mishka entra à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main. En fouillant dans le grand sac, Mishka s'amusait comme un fou. Il était resté sage, petit joujou, dans la maison d'Elisabeth. Aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, cependant, il pensait et ma bonne action dans tout ça. Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla, il n'y avait plus rien. « Reine, oh reine, il n'y a plus rien dans ton sac. »« Oh !» gémit le reine. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en se réveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée ? Le reine regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors, Mishka fit un soupir, embrassant d'un coup d'œil la compagne où il faisait une si bon se promener tout seul et haussant les épaules, levant bien la tête haut, ses pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin. Maintenant, une petite musique de Mishka, le petit ours. Passez un bon Noël et une bonne fin d'année. Au revoir sur Radio Gémozo. Au revoir à tous. Passez des bonnes vacances de Noël. Au revoir à tous. Et voilà, et moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année pour tous les enfants du monde, n'est-ce pas, Louane, hein? C'est ce que tu disais. Même ceux qui sont dans les rues et pauvres. Voilà. C'était mon grand ami, ami et tout petit, petit et si mignon, le plus gentil des oursons. Mais la petite fille dont il était le jouet n'était pas très gentille et souvent l'abandonnait. Alors il s'est enfui, il a fui dans la nuit, la neige, le froid, libre, heureux comme un roi. Dans la grande forêt où ses pattes s'enfonçaient, dans la neige il marchait et déjà il s'ennuyait. Il rencontra le renne qui toute la nuit traîne un grand sac de cadeaux sur son traîneau à grelots. Il devint son ami, il a mis toute la nuit des jouets dans des souliers, passant par les cheminées. Dans une pauvre cabane au fond de la forêt dort un enfant malade, mais il n'y a plus de jouets. C'est pas juste dit Mishka qui grimpe en haut du toit, adieu la liberté, il saute dans la cheminée. Dans un des deux souliers, il s'assoit sans broncher, pour l'enfant qui souffrait, il est redevenu jouet. Il s'appelle Mishka, le petit ours de mon enfance. Dans un livre d'images, il est né pour me porter chance. Je l'ai toujours gardé entre les pages de mon cœur. Si tu me tends les bras, il chantera.